que j'ai pu faire derrière mes chansons. Ce qu'à chaque cœur meurt et par l'enfer. Je sais que je vous fais souffrir, mais sachez que je vous aime. Certains bouffent, car l'au-delà est mon envie. Hein. Moi, ce que je veux, c'est que vous respiriez la joie de vivre. Et en aucun cas, que vous soyez rempli de paix. Je m'en veux, maman, pour tout le mal que je te fais. Car sans remords, je te désobéis souvent. Mais maman, tu savais, comme j'aimerais remonter le temps pour pouvoir rattraper les heures perdues si bêtement. J'en ai marre de vous faire souffrir, car cette souffrance, ça qui peut vous détruire. Je m'en veux à m'en rendre malade, mais j'aimerais tant que ma connerie parte en balade. Qu'enfin, nous puissions vivre heureux, loin de la haine et de la peine qu'on a dans nos yeux. Hein. Si vous saviez comme je m'en veux, vous rendre si malheureux. Mais merde, qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour que mon cœur d'ange perde ses ailes. Hein. Je demande pardon, car j'ai failli à mon devoir d'être un homme sage qui se tue à aller au charbon. J'aimerais tant effacer de ma life toutes les crasses que j'ai pu faire. Mais le rap n'aura pas fait partir votre peine, car on nettoie pas la crasse derrière un mic. Non, on les nettoie face à face. Et vos dédicaces à toi papa, qui est si loin de moi depuis si longtemps. Mais ce n'est pas grave, t'inquiète pas, on fait plus des erreurs que l'on cache derrière nos mœurs. Quand c'est fait, je te pardonne, car nos cœurs doivent faire vivre nos corps. J'en ai marre de vous faire souffrir, car cette souffrance, ça qui peut vous détruire. Je m'en veux à m'en rendre malade, mais j'aimerais tant que ma connerie parte en balade. Qu'enfin, nous puissions vivre heureux, loin de la haine et de la peine qu'on a dans nos yeux. Hein. Si vous saviez comme je m'en veux, vous rendre si malheureux. Mais merde, qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour que mon cœur d'ange perde ses ailes. J'en ai marre de vous faire souffrir, car cette souffrance, ça qui peut vous détruire. Je m'en veux à m'en rendre malade, mais j'aimerais tant que ma connerie parte en balade. Qu'enfin, nous puissions vivre heureux, loin de la haine et de la peine qu'on a dans nos yeux. Hein. Si vous saviez comme je m'en veux, vous rendre si malheureux. Mais merde, qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour que mon cœur d'ange perde ses ailes.